Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro, placé dans une ambiance style cinépark. It seems apparent that our citizens are staying off the streets, which may make scoring particularly difficult, even with this year's rule changes. To recap, women are still worth 10 points more than men in all age brackets, but teenagers now rack up 40 points, and toddlers under 12 now rate a big 70 points. The big score: anyone, any sex, over 75 years old, has been upped to 100 points. La Transcontinental Road Race est une course créée dans un monde imaginaire où le gouvernement des États-Unis est restructuré en un régime totalitaire sous loi martiale afin d'apaiser les instincts violents de sa population. Dans cette course, des pilotes traversent le pays au volant de leur bolide puissant avec l'objectif de frapper et tuer des piétons innocents afin d'obtenir des points bonus. Le vainqueur est celui qui arrive à destination avec le plus de points. Il n'est donc pas nécessaire d'arriver en premier à la ligne d'arrivée. En l'an 2000, la valeur des points variait selon l'âge et le sexe des piétons. Les points sont perdus si le conducteur meurt pendant la course et tuer ses adversaires est légal dans le cadre de cette course diabolique, tout comme n'importe quel membre faisant partie des officiels de la compétition ou même de l'équipe technique de chaque coureur. Cette course sera reprise plus tard et verra ses règlements être modifiés. Nous nous retrouvons alors dans un futur proche où, suite à l'effondrement de l'économie américaine, l'on verra une hausse de la criminalité aux États-Unis résultant à l'essor de prisons privatisées. Parmi ces nouveaux établissements carcéraux se trouve Terminal Island, dont la directrice tire profit de la diffusion d'une émission intitulée Death Race, dans lequel est projetée mondialement une série de courses mettant en vedette des véhicules de combat pilotés par des détenus de la dite prison. Dans cette compétition, ces criminels s'affrontent dans des véhicules spécialement modifiés, armés et blindés, sur un circuit fermé, semé d'obstacles et de pièges, et ce, sans aucune règle. Si un pilote réussit à remporter 5 courses consécutives, ce dernier regagnera alors sa liberté. De ces deux types de compétitions automobiles naîtra un personnage iconique du nom de Frankenstein. Dans la réalité, cet individu, portant un déguisement permettant de garder son identité secrète, sera remplacé à maintes reprises par des pilotes recrutés par le gouvernement ou encore la directrice de Terminal Island afin de remplacer ses prédécesseurs blessés ou tués lors des courses précédentes dans l'objectif de donner à la population un héros, ce qui leur permettra alors de mieux contrôler la population et ainsi garder en vie cette course ultra-meurtrière. Donc, courez à vos véhicules et préparez-vous à la course de votre vie alors que je vous parlerai de deux franchises de science-fiction Death Race, la première incluant les films Death Race 2000 et Death Race 2050, qui seront produits par le producteur de films de série B, Roger Corman, et la seconde, qui inclut les films Death Race, Death Race 2, Death Race Inferno, ainsi que Death Race Beyond Anarchy, tous produits par le réalisateur et producteur britannique Paul W.S. Anderson. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it.

critics. XXIe siècle. Un seul jeu, une fois par an, passionne encore les foules. La grande course transcontinentale. Une course mortelle. Chaque bolide, une arme. Chaque homme, une cible. Ce qui compte, c'est de vaincre. Vaincre à tout prix. Vaincre ou mourir. Étonnant de violence et d'humour. Les seigneurs de la route, une fantastique anticipation. Les seigneurs de la route. Death Race 2000, ou la course de la mort de l'an 2000, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios New World Pictures le 27 avril 1975. Ce film américain d'une durée de 80 minutes a coûté 300 000 $ à produire et a amassé plus de 5,1 millions de $ en Amérique du Nord. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Paul Bartel, ce metteur en scène qui nous avait donné les films Cannonball, Eating Raoul, ainsi que Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Roger Corman, lui qui avait produit les films Grand Theft Auto, The Dunwich Horror et The Mancha 13. Au poste de scénariste, on y retrouve le scénariste américain Robert Thumb, lui qui avait écrit les scénarios de Crazy Mama, alias Big Cherry et Bloody Mama, ainsi que Charles Baron Griffith, ce scénariste américain qui avait écrit les scénarios de A Bucket of Blood et la version de 1960 de The Little Shop of Horrors. Dans la distribution, on y retrouve David Carradine, Simone Griffith, Sylvester Stallone, Mary Voronoff, Roberta Collins, Martin Cove, Louisa Moritz, Don Steele, Joyce Jameson, Carly Benson et Sandy McCallum. En l'an 2000, 5 équipes prennent le départ pour une course automobile meurtrière de New York à Los Angeles, alors qu'une organisation clandestine s'emploie à semer des pièges sur le chemin des concurrents afin de mettre un terme à cette apothéose de la violence. En 1939, l'écrivain danois Ib Melchior participera aux 500 milles d'Indianapolis. Assis dans la loge avec les épouses des pilotes, il sera témoin d'un grave accident qui coûtera la vie à l'un des compétiteurs. La juxtaposition de l'horreur sur le visage de l'épouse du pilote en question et l'excitation des fans marquera le jeune auteur, ce qui mettra la graine dans la tête de ce dernier, amenant à l'écriture de la nouvelle « The Racer » qui sera publiée en 1956, une sorte de caricature d'un sport violent plutôt qu'un passe-temps crédible du futur. Au début des années 1970, le producteur de films de série B, Roger Corman, entendra parler d'un projet de film futuriste intitulé Rollerball, qui devait alors être produit par les studios United Artists. Souhaitant lui-même profiter de cette situation et ainsi développer son propre film d'action sportif futuriste, Corman aura comme objectif de sortir sa version en salle avant celle des studios United Artists. C'est alors que le producteur acquérera les droits de la nouvelle d'Ib Melchior, The Racer, auteur avec qui il avait déjà travaillé à l'époque de la compagnie de production American International Pictures. Une fois les droits acquis, Corman écrira un traitement de quelques pages dont le contenu était très sérieux. Désirant développer un aspect plutôt satirique au projet, le producteur embauchera alors le scénariste Robert Thumb, qui écrira la version finale du scénario, scénariste avec qui il avait déjà travaillé sur Bloody Mama en 1970. Pressé par le temps, Corman contactera rapidement via téléphone l'acteur-réalisateur Paul Bartel pour lui demander s'il serait intéressé à réaliser le film, principalement à cause de son travail en tant que second réalisateur sur Big Bad Mama, un autre film produit l'année précédente par Corman. Après avoir accepté, Bartle jugea le scénario inexploitable, forçant alors l'embauche du scénariste Charles Griffith pour la réécriture complète de celui-ci. Du côté distribution, Corman souhaitait que Peter Fonda incarne le rôle principal du nouveau long-métrage, mais ce dernier refusera le rôle après la lecture du scénario, trouvant celui-ci trop ridicule. Ce sera donc l'acteur David Carradine qui sera approché pour le rôle, ce dernier acceptant le poste car il désirait quitter la série télévisée Kung Fu après avoir accumulé énormément de blessures sur le plateau de tournage. De plus, Carradine souhaitait un rôle qui permettrait à l'auditoire d'oublier son personnage de Kane qu'il avait interprété pendant plus de 3 saisons et qui lui donnerait un coup de pouce pour développer sa carrière cinématographique. Comme la production n'avait pas beaucoup d'argent, Carradine acceptera de prendre une chance, le comédien ne recevant que 10% des recettes du film comme salaire. Pour Sylvester Stallone, ce dernier sera choisi pour interpréter le personnage de Machine Gun Joe après que Corman ait vu sa performance dans The Lord of Flashbush, sorti en salle en 1974. Stallone acceptera à condition de pouvoir réécrire une grande partie des dialogues de son personnage, et ce, sous la supervision du réalisateur du projet. L'actrice Shelley Winter refusera le rôle de Thomasina Payne. Ce sera l'actrice et coach de dialecte Harriet White Medin qui remportera le poste après avoir fait une imitation parfaite d'Eleanor Roosevelt lors de son audition. Leslie McCrae, qui jouera le personnage de Cléopâtre, s'était vue initialement proposer le rôle principal d'Annie, mais celle-ci refusera car elle ne voulait pas jouer nue à l'écran. Finalement, ce sera la sœur du réalisateur Paul Bartle, Wendy, qui interprétera le personnage de Laurie, la superfan de Frankenstein qui se sacrifiera pour lui au tout début de la deuxième journée de compétition. Le directeur de la photographie, Tak Fujimoto, sera embauché sur la production pour s'occuper du visuel, ce dernier ayant déjà travaillé avec Corman sur le film Cage Heat. Beala Neal et Robin Royce seront quant à eux responsables de la direction artistique, supervisant les différents matte paintings qui seront utilisés afin de donner un aspect de grandeur à la toute petite production. Finalement, ce sera la costumière Jane Rum qui s'occupera des différents costumes dans le film, cette dernière confectionnant la tenue noire emblématique du personnage de Frankenstein à partir d'un tissu qui ressemblait exactement au cuir, Carradine refusant de porter du vrai cuir. Le tournage aura lieu dans le sud de la Californie d'octobre à décembre 1974, plus précisément sur le Golden State Highway, au Chet Holyfield Federal Building, dans le parc national d'Indiana Dunes, dans le désert de Mojave, au Pasadena Convention Center, sur le ranch des studios Paramount et finalement dans la forêt nationale d'Angeles. Ce sera le complexe des bureaux de Los Angeles Center Studio qui servira de doublure pour le Mercy Hospital, alors que les scènes de course d'ouverture furent principalement tournées sur le circuit automobile d'Ontario en Californie, le réalisateur ne possédant pas un budget qui lui permettait de recruter un grand nombre de figurants pour jouer les spectateurs et tournant ses scènes pendant et après une véritable course automobile, profitant des amateurs étant sur place. De plus, toujours en raison du faible budget du film, de nombreuses scènes furent tournées sur la voie publique. David Carradine et Sylvester Stallone piloteront eux-mêmes leurs véhicules respectifs et effectueront la plupart de leurs propres cascades. Même le producteur Roger Corman sera forcé de conduire dans des scènes tournées sur la voie publique, les cascadeurs du film ne voulant pas être surpris au volant par la police car les voitures sur mesure utilisées dans la production n'étaient pas homologuées pour la route. Étant un maître de ce genre de production, Corman réussira à compléter son projet sans que personne ne soit arrêté par les forces de l'ordre, ce dernier n'ayant pas le budget qui lui aurait alors permis d'obtenir les autorisations nécessaires pour tourner de façon sécuritaire sur les différentes routes publiques. Fait cocasse, l'actrice Mary Woronoff, qui interprétait le personnage de Calamity Jane, ne savait pas conduire et devra alors être remplacé par un cascadeur derrière le volant lors des plans éloignés. Pour les plans rapprochés, Romanov était assise dans une voiture remorquée derrière un camion possédant une équipe de tournage à son bord. Conçue par James Powers et construite par Dean Jeffries, les différents véhicules sur mesure ne fonctionnaient pas la plupart du temps et devaient être poussés dans des pentes pour les faire avancer. Divers trucs de tournage seront utilisés pour filmer les voitures afin de donner l'illusion qu'elles allaient plus vite que dans la réalité. George Barris, le concepteur de la Batmobile des années 60, participant également à la conception de la voiture du personnage de Frankenstein. D'ailleurs, le Alligator Car de Frankenstein et la Machine Gun de V-Turbo étaient des Volkswagen refaites à neuf, alors que la Buzz Bomb de Matilda de Hunt était une Volkswagen Carmen Ghia. The Lion de Nero de Hero était construite sur un châssis d'un Fiat 850 Spider, alors que The Bull de Calamity Jane était une Mirage de la compagnie Mento Cars. Pour créer les designs futuristes distincts, des carrosseries en fibre de verre personnalisées à la personnalité des différents pilotes seront construites et montées sur le châssis des différents véhicules. Une fois le tournage terminé, plusieurs de ces véhicules seront vendus à des musées automobiles pour des prix bien supérieurs à leur coût de construction, une autre façon pour Corman de faire de l'argent avec sa production. Le tournage sera quelque peu chaotique, Corman et son réalisateur ayant des différends sur la direction du film, Bartle désirant plus de comédie et moins de gore, alors que le producteur, lui, désirait beaucoup plus de violence et de scènes choc. De plus, Bartle aura une prise de bec avec son acteur principal à un certain moment dans la production, celle-ci étant si sérieuse que le réalisateur envisagera de remplacer Carradine par l'acteur Lee Majors. Au final, les deux hommes se sont finalement réconciliés et feront équipe par la suite pour changer la fin du long-métrage, Corman étant en désaccord avec l'idée envisagée par Bartle qui impliquait l'écrasement d'un journaliste, le producteur pensant alors que cela compromettrait le héros. Alors que Corman avait dans l'idée que le journaliste serait abattu par des agents du FBI, Bartle décidera de tourner sa version avec l'aide de Carradine et ce, sans l'approbation de Corman. Ce dernier décidera par la suite de laisser cette séquence dans la version finale du long-métrage. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule fois où Bartle fera de quoi sans avertir son producteur, le réalisateur demandant à Jane Rum de concevoir le générique d'ouverture en utilisant l'argent du budget sans obtenir au préalable l'autorisation de Corman. D'autres problématiques surviendront durant la production, principalement à cause de la mauvaise météo, le film n'ayant aucune séquence de pluie. Cela mettra encore plus de pression sur le réalisateur, principalement à cause des courts délais de la production. Une fois le tournage terminé dans les délais prévus, Corman embauchera le compositeur de musique Paul Chiara, qui réalisera alors pour la première fois de sa carrière de la musique de film. Chiara mélangera alors des éléments de jazz, de symphonie, de funk et d'électro pour créer un fond musical empreint d'une touche rétro-futuriste. Une fois le montage de la version finale terminé, Corman et Bartle seront confrontés aux membres de la MPAA qui obligeront alors les deux hommes à supprimer une grande partie du gore. De plus, Corman retirera certains gags de la version finale de son montage au grand désespoir de son réalisateur. Death Race 2000 sortira en salle à la fin d'avril 1975, soit exactement deux mois avant Rollerball du réalisateur canadien Norman Jewison. Projeté dans plus d'une centaine de salles en Californie, le film amassera plus de 556 327 $ avant de terminer sa course avec des recettes de plus de 4,8 millions de $ sur le continent nord-américain. Avec la sortie de Rocky l'année suivante, Corman tentera de profiter de la nouvelle popularité de l'acteur Sylvester Stallone et ressortira son film en salle, montant son revenu total à plus de 5,1 millions de $. Suite à ce succès, Corman se lancera alors dans la production d'un film intitulé Dead Sport. Ce long-métrage de science-fiction devait à l'origine être une suite à Death Race 2000, mettant alors en vedette des motos à la place de voitures. Corman s'était engagé avec David Carradine pour que ce dernier soit l'acteur principal de ce nouveau long-métrage, et ce, dans le cadre d'un contrat de 5 films signé avec le comédien. Par la suite, le producteur demandera au scénariste Charles Griffith d'écrire le scénario. Insatisfait de la version finale du script, Corman suggérera fortement à Carradine de se retirer du projet, mais l'acteur décidera de rester à bord. Le film, dont le budget ne sera que 150 000 $, n'amassera qu'un maigre 400 000 $ au box-office nord-américain, un échec face à ce qu'avait amassé Death Race 2000. En 1997, la compagnie de jeux vidéo Stainless Games produira un jeu vidéo de combat motorisé intitulé Carmageddon. Distribué par Interplay Productions et Sales Curve Interactive, ce jeu, qui donnera naissance à une franchise, sera directement inspiré par le film Death Race 2000 et remportera le prix du Game of the Year au PC Zone Reader Awards de 1997, ainsi que le Driver's Game of the Year, toujours durant cette même année. Par la suite, une continuité en comique fut réalisée au milieu des années 1990. Intitulé Death Race 2020, ce comic, publié d'avril à novembre 1995 par la maison d'édition éphémère de Roger Corman, Cosmic Comics, verra son histoire écrite par Pat Mills et illustrée par Kevin O'Neill et Trevor Goring. Comme son titre l'indique, l'action se déroulait 20 ans après la fin du film et abordera le retour de Frankenstein dans le monde de la course. Parmi les nouveaux pilotes présentés, on y retrouvait Von Dutch, l'alcoolique, Happy, le clown, Steppenwolf, Rick Rhesus et Harry Carey. La série dura seulement 8 numéros avant d'être annulée, l'histoire demeurant inachevée à la fin. Après l'échec d'un projet de remake entre Corman, Tom Cruise, son associé Paula Wagner et la maison de production et de distribution Paramount Pictures, Universal Pictures acquérera les droits cinématographiques du film de 1975 et embauchera le réalisateur Paul W.S. Anderson pour écrire et réaliser le nouveau long-métrage qui sortira en salle en 2008 et qui mettra alors en vedette l'acteur de films d'action Jason Statham. Le film, qui coûtera plus de 50 millions à produire, engendra plus de 87 millions de dollars à travers le monde entier. Trois suites, réalisées directement pour le format vidéo, seront par la suite produits entre 2010 et 2018. Suite à une entrevue avec un journaliste italien qui remarquait que Hunger Games présentait certaines similitudes avec Death Race 2000, Corman contactera certains exécutifs de la Universal Pictures et leur fera part de son intérêt pour refaire un film basé sur sa production originale de 1975, film qui reprendrait alors les mêmes thèmes fondamentaux que son œuvre originale mais qui les adapterait à la société d'aujourd'hui. Tout en conservant la course automobile, Corman désirait y ajouter la satire sociale amusante du film précédent en y maintenant le massacre des piétons, ce qui fit le succès du premier long-métrage. Après avoir écrit un court synopsis de 5 à 6 pages, Corman présentera son projet aux exécutifs de la Universal, leur expliquant qu'il serait capable de tourner à peu de frais dans l'un de ses anciens studios en Irlande et qu'il aurait accès à des subventions en Irlande, une première entente sera faite entre le producteur et les exécutifs pour tourner le long-métrage au printemps en Irlande avec un budget modeste encore à négocier. Le lendemain, Corman recevra un appel de confirmation, lui demandant alors de tourner en janvier ou février de 2016. Malheureusement, il était à ce moment impossible pour le producteur de tourner son film au nord-ouest de l'Irlande, car cet emplacement se trouvait alors en plein hiver. Corman proposera alors de tourner sa nouvelle production en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. Signant un contrat avec la maison de production Universal 1440 Entertainment, une entité séparée de la compagnie Universal Picture Home Entertainment, Corman obtiendra alors plus de 3 millions de $ de budget pour sa nouvelle production. C'est alors que le producteur embauchera les scénaristes Matt Yamashita et J.G. Echternkamp, avec qui il avait déjà travaillé quelques années plus tôt sur Virtually Heroes en 2013. Ayant déjà une certaine expérience pour la réalisation de films à petit budget et possédant toute la confiance de Corman, Echternkamp obtiendra donc à ce moment le poste de réalisateur. Afin de l'aider dans son travail, étant maintenant âgé de 90 ans, Corman demandera l'assistance du producteur Louis Liozza, ce dernier ayant travaillé sur des films tels que Anaconda et The Specialist. Dans la production, le réalisateur s'entourera tout de même de comédiens de talent tels que Manu Bennett, vu dans la série télé Arrow ainsi que dans la franchise de The Hobbit, Malcolm McDowell, connu pour ses rôles légendaires dans A Clockwork Orange et Star Trek Generation, Burt Grinstead de la série NCIS et Marcy Miller de la série Viper. Se joindra à eux Folaki Olowofoyeku, Anessa Ramsey, Charlie Farrell et finalement l'actrice Yancy Butler, connue pour son travail sur la série télé Witchblade et le film Hard Target. Le tournage débutera à Lima, au Pérou, le 8 février 2016, l'année de l'élection présidentielle américaine où Donald Trump remportera son tout premier mandat, le personnage du président interprété par McDowell étant une véritable satire de l'individu. Ce sera le directeur de la photographie Yuan Duran qui s'occupera du visuel ici, ce dernier ayant précédemment travaillé sur des films tels que The Light on the Hill et Ella. Agissant comme une sorte de reboot au film original de 1975, La course à la mort de l'an 2050 situe son histoire dans une dystopie d'un futur proche lors d'une course automobile à travers le pays où les pilotes marquent des points en tuant des piétons et d'autres coureurs tout en naviguant dans des intrigues politiques. Afin de sauver sur le budget, l'équipe de production décidera d'abandonner l'esthétique classique du film 35 mm, tournant le film en format numérique, utilisant principalement le CGI pour la majorité des effets visuels et sanglants. Les voitures de Death Race 2050 furent conçues sous la direction du directeur artistique Fernando Vasquez et sous la supervision du producteur Roger Corman et du réalisateur G.J. Echternkamp. Utilisant des matériaux légers comme le polystyrène et le papier mâché, montés sur un châssis épuré avec moteur monté à l'arrière, le processus de fabrication des différents véhicules fut simple et peu coûteux. Suite à un tournage sans véritables embûches, ce sera Cindy et Gunter Brown qui s'occuperont de la trame sonore du long-métrage qui inclura la chanson « I Know a Place » du chanteur Connie Van Dyke et plusieurs autres du groupe « The Cousin Lovers » soit The One and Only PPL MVR, Ban Mary et finalement King Salami and the Cumberland Tree. Après la fin du montage du film de science-fiction, Death Race 2050 sera finalement distribué directement en DVD et en Blu-ray le 17 janvier 2017, vendant pour plus de 500 000 $ de DVD et un 300 000 $ additionnel de Blu-ray. Cependant, cela sera insuffisant pour permettre aux producteurs d'aller chercher des recettes assez imposantes pour rentabiliser l'investissement de départ du projet. Avec le temps, plusieurs piétons et automobilistes nous ont quittés. Ce sera le cas des scénaristes Robert Tom et Charles Baron Griffith. Tom, alors un résident de la ville de New York City, décédera le 8 mai 1979 suite à une violente crise cardiaque alors qu'il se trouvait dans un hôtel de Malibu en Californie. Il n'était âgé que de 49 ans. Pour Griffith, ce dernier décédera également suite à une crise cardiaque à l'âge de 77 ans, le 28 septembre 2007. Pour le réalisateur Paul Bartel, ce dernier décédera des suites d'une crise cardiaque suite à une opération pour un cancer du foie le 13 mai 2000. Il n'avait que 61 ans. L'actrice Joyce Jameson, qui interprétait la journaliste Grace Pender, décédera le 16 janvier 1987, la femme de 59 ans, s'enlevant la vie à son domicile de Burke Bend en Californie à l'aide d'une overdose de pilules. Louisa Moritz, qui interprétait la copilote de Machine Gun Joe, décédera de cause naturelle dans un hôpital de Los Angeles suite à une chute durant une visite à Washington le 4 janvier 2019. Elle était âgée alors de 82 ans. Le comédien Don Steele, qui interprétera l'annonceur Junior Bruce et qui avait eu un rôle presque similaire dans la première réalisation du metteur en scène acteur Ron Howard, soit Grand Theft Auto en 1977, décédera suite à un cancer des poumons le 5 août 1997 à l'âge de 61 ans. Finalement, le 4 juin 2009, l'acteur David Carradine sera retrouvé mort dans sa chambre du Swiss Hotel Nilert Park Hotel en Thaïlande alors que l'acteur travaillait sur le tournage du film Stretch. Il était âgé de 72 ans. Selon la police des lieux, Carradine aurait été retrouvé nu et pendu dans le placard de sa chambre avec un cordon de rideau. La police thaïlandaise en est venue à la conclusion que le décès était dû à une suffocation accidentelle, cet accident étant lié à un cas d'asphyxie auto-érotique. Au cours des années qui ont suivi sa sortie, les critiques ont salué la satire politique et sociale du film Death Race 2000, qui est devenu depuis un véritable film culte. Du côté des points forts, eh bien, Death Race 2000 est un film à petit budget amusant et kitsch, dont la satire sociale, médiatique et politique sont encore aujourd'hui très à point. Ce drame de science-fiction s'amuse également à nous montrer comment il est facile de diriger sa population pour que cette dernière accepte de participer à un événement sportif cruel et violent, un exemple de nettoyage de cerveau d'une société qui a atteint le fond du baril et qui a une confiance aveugle envers son dirigeant pour les ramener dans une meilleure réalité. Le long-métrage ne perd pas de temps à expliquer les règles d'une façon originale, se servant d'un commentateur sportif pour le faire, une des multiples façons de Corman de sauver de l'argent sur sa production. Au niveau de la distribution, Stallone est fort amusant ici, et Carradine nous donne Frankenstein froid, mais tout de même assez charismatique pour intriguer l'auditoire. Du côté de Don Steele, ce dernier tient le film sur ses épaules en tant qu'animateur de la course et semble s'amuser follement ici, possédant une énergie des plus contagieuses. Le réalisateur nous donne ici une mise en scène dynamique et ce, malgré son petit budget, ce qui permet à l'auditoire de garder un intérêt aux diverses séquences de course et d'action et ce, malgré, encore une fois, le très faible budget. De plus, le montage très nerveux du drame de science-fiction aide grandement à rendre le film plus énergique. Les concepteurs réussissent tout de même à nous donner des concepts originaux pour chacun des véhicules, gardant un aspect plus que réaliste des voitures, malgré l'aspect futuriste de l'histoire. Mais du côté des points faibles, eh bien, le film possède une ambiance cartoonesque et caricaturale très bande dessinée qui pourrait déplaire à un auditoire habitué aux grosses productions hollywoodiennes. D'ailleurs, si le film avait eu un plus gros budget, celui-ci aurait pu donner un meilleur spectacle, le long-métrage, souffrant par moments de son manque de moyens évident. Au niveau des acteurs, le réalisateur a de la difficulté à permettre à ses comédiens de donner des prestations mémorables. Bien que celles-ci semblent s'amuser, il demeure quelques séquences qui auraient pu être mieux réalisées, notamment la confrontation physique entre Frankenstein et Machine Gun Joe, séquence dans laquelle les acteurs semblent avoir peur de se blesser réellement. Si vous êtes facile à choquer, ce film n'est définitivement pas pour vous. En effet, l'idée de ramasser des points en écrasant des piétons, spécialement des enfants, pourrait offenser des personnes qui ne verraient pas l'humour satirique de l'œuvre. Avec une musique qui, par moments, est quelque peu fatigante, une conclusion quelque peu confuse et surtout certaines longueurs en dehors des séquences de course, Death Race 2000 est tout de même un bon petit divertissement, surtout si vous êtes capable de passer outre le visuel bas niveau d'un film de série B. Pour Death Race 2050, eh bien, du côté des points forts, malgré qu'il soit nettement inférieur, Death Race 2050 possède tout de même quelques bons upgrades du film original de 1975. Étant une sorte de sequel, tout en étant un remake, ce film ne semble pas être clair sur ses intentions, sauf celle d'être un pur divertissement. Encore une fois, le concept de voiture est amusant ici, ces dernières possédant un aspect kitsch des années 70. Le drame de science-fiction possède beaucoup plus d'action que son prédécesseur et surtout est beaucoup plus violent que ce dernier, le gore, étant de loin beaucoup plus graphique. Mais du côté des points faibles, eh bien, c'est là que s'arrêtent les qualités de ce film, dont le scénario est faible, la mise en scène artificielle et amateur et surtout une distribution qui fait de l'overacting du début à la fin, tout spécialement l'acteur Manu Bennett dans le rôle de Frankenstein. Seul Marcy Miller semble se sortir indemne de cette œuvre, quelque peu décevante. Les effets spéciaux numériques sont tout simplement horribles ici, encore une fois, le film souffrant de son piètre budget. Dû à la mauvaise interprétation de Bennett dans le rôle-titre, le personnage de Frankenstein est loin d'être aussi intéressant ici que dans le film original, le personnage donnant l'impression par moments qu'il est un fou furieux sans grande maturité. L'idée de la voiture pilotée par un AI est mal utilisée, d'excellents concepts étant présents ici, mais très mal développés par un scénario vide de contenu. On cherche même à recréer l'aspect de la satire sociale ici, mais même Malcolm McDowell ne parvient pas à rendre le tout intéressant. La mise en scène est si mauvaise que le réalisateur ne parvient pas à nous donner l'impression que les voitures foncent à vive allure sur la route. On a l'impression par moment que les pilotes ne font que du 30 km/h, ce qui enlève toute crédibilité aux séquences de course. Par moment, on a même l'impression qu'il manque une voiture dans la course, tout spécialement au début, l'animateur de la course nous montrant continuellement 4 véhicules au lieu de 5. On comprendra plus tard que cela était dû au fait que le véhicule piloté par l'intelligence artificielle avait quitté la course, mais on aurait dû faire plus attention à ce détail au moment où ces images seraient utilisées dans le film. Au final, Death Race 2050 est quelque peu décevant, le drame de science-fiction nous donnant l'impression d'être une œuvre cheap et incomplète, à la grande tristesse des amateurs du film original. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Paul Chiara, ce compositeur américain qui avait travaillé sur les films Prince of the City, Impulse, The Morning After et I Never Promise You a Rose Garden. Il est possible d'avoir la musique du film Death Race 2000 sur l'album de Paul Chiara Collection Volume 4, distribué par l'étiquette Dragon's Domain Records en 2020. Du côté de Death Race 2050, qui a été réalisé par Gunter Brown et Cindy Brown, dont c'était ici la toute première musique pour une trame sonore de film et qui n'en ont jamais refaite par la suite, eh bien malheureusement, cette trame sonore n'est point disponible sur le marché. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Most dangerous prison. Those animals kill each other with regularity. A new game is born. What if we could harness the hatred in a death race? Every car will hold as many guns and as much ammunition as I can. They're making money off our blood. If a prisoner wins 5 races, he wins his freedom. Time to lose. From Universal Pictures and the filmmakers who brought you Resident Evil and Death Race comes an all-new movie of how it all began. I want him dead. Come on! You kill him, I kill you. Dang. Death Race 2, unrated. Coming soon on Blu-ray and DVD. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. You're franchising Death Race, aren't you? Let me show you what true vision really looks like. Mokas. Mokans. Or death. You forgot one thing. Frankenstein. He won his 4th race today. I'm having you transferred. You will compete in the first ever Desert Death Race. You have a tough time losing in this car. I win one more race, I'm free. I got your back. This all starts and ends with you. Set the lights. Welcome to the highest stakes death race yet. Go! Down! Come on, it's life! You better go! You gotta survive! from the filmmakers who brought you Resident Evil. You ready to get serious? Hang on. And Death Race. We're even now. Luke Goss, Danny Trejo, Fang Rhames. Death Race 3, Inferno. Frankenstein can never die. It's intermission, rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed, and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Death Race is for sociopathic killers. You gotta have gravel in your guts. You have to live for the smell of motor oil and high-octane fuel. You gotta love the sound of rubber on asphalt. The taste of blood in your mouth. And the sound of bullets whizzing past your head. You made of that stuff. If I'm not, then I die, right? The containment zone warehouses 200,000 of the worst. There are two options, die or survive. Death Race gives anyone the opportunity to become king. Do you think you can handle being king of this mountain? I'm just here to race. Driving is more important than killing. Think slow, drive fast. Come on, kid! Don't let me down! You gotta win this race! And I am his mark. Got something for you, baby. Gotta love race day. Death Race Beyond Anarchy. Unrated and unhinged. January 30th on Blu-ray and digital. Intermission time. Time that stretch you've been wanting. And best of all, time to take your pick from that scrumptious array of tasty treats waiting for you at the snack bar, where the popcorn's popping, the cold drinks are sparkling, the hot dogs are slinging, the coffee is steaming, and a luscious treasure of confectionery delights with ice cream and candy, and so much more to tempt any taste, is waiting for you now at the snack bar. You'll be notified in plenty of time when the next show is about to begin. Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Out of life. Go out to a movie. J'ai créé la course à la mort il y a 6 ans. J'ai aujourd'hui plus de spectateurs que le Super Bowl. Les pilotes sont des détenus et la règle est simple. Il n'y en a pas. Gagnez votre liberté ou mourrez. Maintenant, c'est qui? Jensen Ames. Il courait en Asgard. Pareil qu'il a buté sa femme. La cuisine du chef doit pas être à son goût. Je vous veux comme pilote. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'irai risquer ma vie pour vous? Je vous offre votre liberté. Il vous suffit de sortir vivant de la piste. Et de gagner, bien sûr. La course se déroule en 3 épreuves, sur 3 jours. Demain, je te présenterai ton copilote. Il les ramène de la prison des femmes. Parle-moi des autres pilotes. C'est tué ou être tué. Cette course, je vais la gagner une barre d'ici. Je te présente le monstre. Mustang V8 Fastback. Pour le d'acier de 20 mm pour la défense. Fumigène, huile et napalm. Et des mitrailleuses de 30 mm pour l'attaque. Quand tu veux. Là, ça rigole plus. C'est un sacré coup de chance pour vous, finalement, d'hériter d'un pilote comme moi dans votre prison. C'est plus que de la chance. T'es en tête de la course. Sur qui tu veux tirer? Pas en marche arrière. Il sait qu'on l'a piégé. Quelles sont vos instructions? Vous l'éliminez. Que s'est-il passé? Vous pouvez pas me tuer, vous pouvez me tirer dessus, me brûler, mais vous ne tuerez pas! Death Race, ou Course à la mort, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 22 août 2008. Ce film américain, britannique et allemand, d'une durée de 111 minutes, a coûté 45 millions de dollars à produire et a amassé plus de 76 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Paul W.S. Anderson, celui-là même qui nous a donné les films Event Horizon, In the Lost Lands et Alien vs. Predator. Du côté de la production, eh bien, nous y retrouvons le producteur britannique Paul W.S. Anderson, lui qui avait produit les films Pompeii, Monster Hunter et la version de 2011 de The Three Musketeers. Il est accompagné du producteur britannique Jeremy Bolt, lui qui avait produit les films Turn of the Screw, The Hole, Pandorum et The Dark, et également la productrice américaine Paula Wagner, elle qui avait produit les films Mission Impossible, Vanilla Sky et Ask the Dusk. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est encore une fois le scénariste britannique Paul W.S. Anderson qui a écrit le script ici, lui qui avait travaillé sur les films Shopping et la franchise de Resident Evil. Du côté de la distribution, on y retrouve Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke, Frederick Cooler, Jacob Vargas, Justin Matter, Robert Lussardo et Robin Shu. Un as du volant, injustement incarcéré pour le meurtre de sa femme, se retrouve dans une prison gérée par une compagnie privée et est forcé de participer à une série de courses mortelles entre détenus en échange de sa liberté afin de retrouver sa fillette donnée en adoption. Lorsque sa toute première réalisation, Shopping, fut présentée au Tokyo Film Festival en 1994, le jeune réalisateur et scénariste Paul W.S. Anderson fera la rencontre du producteur Roger Corman, qui fut très impressionné par le film du jeune homme au point d'en acheter les droits de distribution pour le continent nord-américain. Après avoir quitté son Angleterre natale pour aller vivre aux États-Unis, Anderson réalisera son second film, soit Mortal Kombat, en 1995. Roger Corman en profitera alors pour finalement distribuer son précédent long-métrage Shopping aux États-Unis et en profitera alors pour demander au jeune réalisateur quel serait son prochain projet. Ce sera durant cette rencontre qu'Anderson avouera à Corman qu'il était un grand amateur du film de 1975 Death Race 2000 et qu'il était fort intéressé à faire une suite aux 10 longs-métrages. Rapidement, Corman acceptera, ce qui permettra alors à Anderson de travailler sur le scénario d'un projet intitulé Death Race 3000, projet qu'il écrira avec l'assistance de Tony J. Tate. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour. Anderson, travaillant par la suite sur Event Horizon, Soldier et finalement sur sa franchise Resident Evil. Il faudra alors attendre au début des années 2000 avant que l'acteur-producteur Tom Cruise n'approche Corman afin d'obtenir un accord d'option pour produire un remake de Death Race 2000. Toujours intitulé Death Race 3000, le projet ira à la Paramount Pictures avec G.F. Lawton à la scénarisation. À l'origine, Cruise devait interpréter le personnage de Frankenstein dans cette nouvelle version tout en occupant le poste de producteur aux côtés de sa partenaire, Paula Wagner. Vers le milieu des années 2000, insatisfait des différents scénarios leur étant offerts, Wagner et Cruise offriront la chance au réalisateur Paul Anderson de revenir sur le projet à titre de scénariste et de metteur en scène. Malheureusement, un différend surviendra en 2006 entre la Paramount Pictures et le duo de producteurs, Cruise et Wagner, principalement dû aux propos de Cruise dans les médias concernant la psychiatrie, les antidépresseurs et la gestion de la dépression postpartum de l'actrice Brooke Shield, le tout en vantant les bienfaits qu'aurait eu la scientologie dans ce dossier. Le film sera alors mis sur les tablettes par les exécutifs de la Paramount, forçant alors la productrice Paula Wagner à présenter le projet aux dirigeants de la Universal Pictures, qui rachèteront alors tous les droits cinématographiques de Death Race 2000 à Roger Corman, ce dernier obtenant alors dans l'accord le poste de producteur exécutif. Alors que la relation de Cruise et Wagner tirait à sa fin, Wagner ramènera de nouveau Anderson sur le projet à titre de scénariste et réalisateur. Cependant, le scénario sera réécrit en raison des coûts de production, ce qui signera alors la fin de la participation de Cruise au projet et au changement de titre de celui-ci, passant de Death Race 3000 à tout simplement Death Race Anderson, décidant alors de faire une sorte de prequel au film de 1975. En avril 2007, l'acteur Jason Statham entamera des négociations afin de jouer le rôle de Frankenstein dans ce nouveau film dont le tournage devait débuter à la fin de l'été ou au début de l'automne. L'entraînement du comédien de plus de 3 mois fut si dur qu'il passera de 20 % de masse grasse à seulement 6 %. L'une des conditions pour la signature de son contrat forçait Statham à ne pas recourir aux arts martiaux lors de ses nombreuses scènes de combat. Le personnage de la directrice de la prison fut écrit par Anderson avec l'actrice Joan Allen en tête, quelle ne fut pas sa surprise lorsque cette dernière acceptera de jouer dans le film, celle-ci souhaitant à l'époque donner un coup de barre à sa carrière. L'acteur David Carradine fera alors un retour dans la franchise ici en prêtant sa voix au personnage de Frankenstein dans la scène d'ouverture du film, un régal pour les fans du long-métrage original. Après avoir été impliqué sur la production de Death Race depuis plus de 13 années, le réalisateur Paul W.S. Anderson verra son tournage débuter à Montréal en août 2007, tournage qui durera jusqu'au mois de novembre. Ce sera Scott Kevin qui sera choisi comme directeur de la photographie, Anderson étant très satisfait de son travail sur un précédent film intitulé Stomp the Yard, diffusé en salle en 2007. Durant plus de 50 jours, la production se fera à l'intérieur d'une immense usine ferroviaire abandonnée qui sera alors transformée pour les besoins du film, incluant les emplacements nécessaires pour y installer des salles de montage. Comme on y construisait autrefois des trains, l'emplacement comprenait d'immenses entrepôts sur des kilomètres permettant aux scènes de course d'y être tournées à l'intérieur et entre ces mêmes entrepôts. À cause des piliers ainsi que des colonnes de béton situées dans ces endroits, il faudra environ 1 an pour la pré-production, ce qui permettra la construction des différents véhicules, des supports de caméra, ainsi que pour la préparation des différentes cascades du film, le réalisateur voulant au maximum éviter d'utiliser l'informatique pour la réalisation des scènes de course. Il est à noter que l'acteur Jason Statham sera majoritairement derrière le volant de sa voiture durant les séquences de course, au plus grand stress de son réalisateur, son véhicule allant à des vitesses variant entre 96 et 180 km/h. De plus, le comédien vedette se devait de piloter sa voiture avec une visibilité réduite, principalement à cause du blindage, complètement enveloppé de caméras et à moitié aveugle à cause de la lumière projetée dans sa direction. D'ailleurs, plus de 34 voitures seront utilisées dans le film avec une équipe de plus de 80 mécaniciens afin de s'assurer qu'elles étaient toutes en parfait état de marche. Chacune des voitures utilisées coûtera entre 250 000 et 300 000 $ et il faudra plus de 6 semaines par voiture aux mécaniciens et aux constructeurs pour assembler les 9 véhicules de course du film et les préparer pour la piste. Les voitures utilisées par les 9 pilotes sont un Ford Mustang GT 2006, un Dodge Ram 3500 2007, un Buick Riviera de 1966, une Porsche 911 de 1980, un Jaguar XJS de 1989, un Chrysler 300C de 2006, un Buick Riviera Boattail de 1972, un Pontiac Transam 1979, ainsi qu'une BMW 735i de 1989. Une fois le tournage terminé à Montréal, l'équipe de production terminera de filmer ses dernières séquences extérieures à San Fernando Valley en Californie avant de finalement se rendre à Los Angeles afin de débuter le montage. Le plan initial était de terminer la post-production à Toronto en raison des avantages fiscaux. Cependant, Anderson demandera que soit installée une salle de montage dans sa résidence secondaire, le réalisateur venant tout juste d'assister à la naissance de sa fille, Ever Gabo. Plus de 400 000 mètres de pellicule furent utilisés pour le tournage, ce qui forcera le réalisateur à demander aux exécutifs de Universal 2 semaines supplémentaires pour travailler sur le montage, en plus des 10 semaines habituelles. Le CGI sera tout de même utilisé pour la production, principalement pour le retrait des câbles servant aux différentes cascades, des multiples caméras se trouvant sur le plateau de tournage, certaines séquences demandant jusqu'à plus de 15 caméras, ainsi que pour le nettoyage du visuel des véhicules. Ce sera la compagnie Mr. X Incorporated, qui se situe à Toronto, qui s'occupera des différents effets visuels. Ce sera le compositeur autrichien Paul Haslinger qui composera la trame sonore du film. Haslinger, ayant fait partie du groupe Tangerine Dreams pendant plus de 5 ans, le compositeur venant tout juste de terminer son travail sur la version de 2008 de Prom Night. Travaillant avec le réalisateur pour la première fois, le compositeur travaillera également avec Anderson sur le prochain film de la franchise. Ce sera le conducteur Tim Davis qui dirigera le Hollywood Studio Symphony Orchestra lors de l'enregistrement de la musique au Sony Scoring Stage. Death Race devait à l'origine être projeté en salle le 26 septembre 2008, mais verra sa sortie devancée au 22 août. Sorti dans plus de 2532 salles en Amérique du Nord, le film n'amassera seulement que 12,6 millions de $ durant son tout premier week-end, terminant sa course avec 36,3 millions de $ en Amérique du Nord et 39,7 millions additionnels au niveau international. Suite à la sortie du long-métrage, Universal Pictures sera confronté à des allégations de plagiat, le scénariste Adam Stone ayant confirmé que le scénariste et réalisateur Paul Anderson et le producteur Jeremy Bolt avaient volé des idées pour leur film à partir d'un scénario intitulé « Joust », que Stone leur avait proposé quelque temps auparavant. Cette plainte ne se rendra jamais en cour. Malgré les critiques mitigées et le résultat décevant au box-office du premier film, une suite sera proposée aux exécutifs de la Universal par Tony Giglio, réalisateur de la deuxième équipe sur Resident Evil Afterlife. Déçus par le retour monétaire du premier volet, les dirigeants du studio accepteront de donner la chance à Giglio pour écrire son scénario en novembre 2009. Cependant, ni Paul Anderson ni Jason Statham ne seront disponibles pour cette production en raison de précédents engagements, Anderson s'occupant alors de la réalisation du second chapitre de sa franchise Resident Evil, alors que Statham travaillait sur le film The Expendables en compagnie de Sylvester Stallone. Comme Anderson n'était pas disponible comme réalisateur, ce dernier demeurant tout de même à titre de producteur en compagnie de Jeremy Bolt et Mike Elliott, ce sera le réalisateur néerlandais Roel Reiner qui signera à titre de metteur en scène en décembre, ce dernier venant tout juste de terminer la production de The Marine 2 pour la 20th Century Fox. ce sera Rainey lui-même qui incitera les producteurs à ajouter des moments au scénario afin de laisser place au développement des personnages et à la tension dramatique et de ralentir le rythme effréné du film. De plus, afin d'optimiser son style visuel, Rainey a fait pression sur les exécutifs de Universal pour qu'il soit son propre directeur de la photographie et opérateur de caméra au lieu de travailler avec un directeur de la photographie habituellement mandaté par le studio. Après avoir obtenu cet accord, le réalisateur fut autorisé à embaucher son chef électricien sud-africain John McKay afin de l'assister au niveau de l'éclairage de son plateau de tournage au moment où il serait derrière la caméra, laissant par le fait même le crédit de directeur photo au niveau du générique à McKay. Afin de sauver sur les frais de production, Universal souhaitera un tournage en haute définition numérique. Un budget de plus de 7 millions de dollars sera alors entendu entre le réalisateur et la maison de production Universal 1440 Entertainment, le film devant être sorti directement pour le format vidéo. Au niveau de la distribution, le choix des acteurs débutera en novembre 2009. Ce ne sera pas avant mars 2010 que sera annoncée cette dernière, le film mettant alors en vedette Luke Goss, Sean Bean, Lauren Cohan, Ving Rhames, Danny Trejo et Frederick Cooley. Alors que Goss fut choisi pour le rôle de Frankenstein, ce sera le producteur Paul Anderson qui convaincra Sean Bean de participer à la production, ce dernier ayant collaboré avec Anderson sur son premier long-métrage, soit Shopping, en 1994. Une fois sa distribution humaine complétée, le réalisateur s'attaquera alors à sa distribution mécanique, la quasi-totalité des voitures du film original ayant été retrouvées et rachetées à des collectionneurs. Seulement deux voitures furent manquantes à l'appel, soit un Dodge Ram et un Chrysler, les deux véhicules étant alors reconstruits complètement. Le tournage principal débutera le 13 février 2010 au Cap, en Afrique du Sud. Coproduit avec l'aide de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud, le film bénéficiera d'allègements fiscaux pour le tournage en Afrique du Sud, ce qui permettra au réalisateur de respecter son budget et surtout ses délais de tournage qui ne dureront que 30 jours. Une autre façon que le réalisateur trouvera pour respecter ses délais et son budget sera de trouver des emplacements de tournage dans lesquels il pouvait avoir au moins 4 à 5 plateaux de tournage en même temps. Pour les scènes de prison, celles-ci seront tournées dans une cimenterie abandonnée près de Bidonville, à l'extérieur du Cap, alors que les scènes se déroulant au siège de la Whelan Corporation furent tournées au Centre international des congrès du Cap. Finalement, un hôpital désaffecté sera utilisé comme infirmerie de la prison, alors qu'un pont inachevé du Cap servira à tourner quelques séquences de poursuite. Ce sera Goss qui conduira son véhicule durant la majeure partie du tournage. Le tournage sera des plus éprouvants pour toute l'équipe de production, les techniciens se devant de continuellement réparer les véhicules de nuit qui avaient été endommagés durant le tournage de jour. De plus, l'acteur Robin Shu faillit mourir sur le plateau de tournage lorsqu'une passerelle métallique descendant rapidement a frôlé sa tête. Un malentendu entre Shu et les coordinateurs de cascade sur sa séquence de combat en prison étant responsable de l'incident. Ce seront les producteurs Paul Anderson, Jeremy Bolt et Paula Wagner qui superviseront le montage qui durera entre 9 et 10 semaines. Ce sera de nouveau le compositeur Paul Haslinger qui réalisera la musique du drame de science-fiction qui sera distribué directement en format vidéo au Royaume-Uni le 27 décembre 2010 et dans le reste du monde le 18 janvier 2011. Plus de 218 000 copies DVD furent vendues au cours de sa première semaine, amassant ainsi un montant de plus de 4,4 millions de dollars. Au final, le film amassera des ventes de plus de 8,4 millions de dollars sur le continent nord-américain, soit plus de 7,2 millions de DVD et 1,2 millions en Blu-ray disc. Satisfait du rendement, Universal 1440 Entertainment demandera alors un nouveau chapitre aux aventures de Frankenstein. Tony Giglio et Paul W.S. Anderson écriront un synopsis sur lequel se basera Giglio pour l'écriture du scénario. Afin de sauver sur le budget, les exécutifs décideront de conserver toute l'équipe de production du précédent volet, Roel Reiner revenant à la réalisation, alors que les acteurs Luke Goss, Danny Trejo, Ving Rhames, Fred Kohler, Robin Chu et Tanit Phoenix seront de retour dans leurs rôles respectifs, ces derniers étant rejoints dans la distribution par Dougray Scott et Hlubi Mboya. De nouveau, la production se rendra en Afrique du Sud, plus spécifiquement à Cape Town. Mike Elliott remplacera alors Paula Wagner à titre de producteur, se joignant alors à Anderson et Jeremy Bolt. Toujours dans l'optique de sauver sur le budget, qui sera ici de 6,5 millions de dollars, le film sera entièrement tourné avec des caméras digitales. Moonlighting Films et Impact Pictures, une compagnie appartenant à Paul W.S. Anderson, se partageront les responsabilités de la production de ce nouveau volet. Plus de 4 semaines seront nécessaires au tournage du film, dont l'histoire se situera entre Death Race 2, qui était une sorte de prequel au film de 2008, et le premier volet. 2 autres semaines additionnelles s'ajouteront au tournage afin de filmer des séquences de course dans le désert. Au niveau des véhicules utilisés pour le film, les 2 camions-citernes sont des vestiges de la scène de braquage du train du film Fast Five, qui était le 5e volet de la franchise de Fast and the Furious. Les autres véhicules seront un Jeep Wrangler Pickup, un Jaguar X, un Gurkha, un Land Rover Defender, un Sandrail, un Jeep Grand Cherokee et finalement un GMC Yukon. Fait intéressant, les acteurs Frederick Cooler et Robin Chu seront les seuls comédiens à avoir participé aux 3 premiers films de la franchise, Cooler étant le seul à participer à tous les films de la série, incluant le prochain Death Race, qui sera alors intitulé Death Race Beyond Anarchy. Ce sera ici le compositeur canadien Trevor Morris qui s'occupera de la réalisation de la musique du film, ce dernier ayant déjà travaillé avec le réalisateur Roel René sur les films de Marine 2 et de Scorpion King 3, Battle for Redemption. Death Race Inferno sera directement distribué en vidéo par Universal 1440 Entertainment le 22 janvier 2013. Le long métrage vendra au total plus de 8,5 millions de dollars de DVD et Blu-ray sur le marché nord-américain, soit 6,7 millions en DVD et 1,8 millions en Blu-ray. Possédant une recette stable pour les 2 précédents volets de la franchise, produits directement pour le marché de la vidéo, les exécutifs de la Universal approcheront de nouveau Paul W.S. Anderson afin de produire un 4e volet et ainsi souligner les 10 années de la série. Possédant un budget similaire au précédent film, cette nouvelle histoire se situera après le film de 2008 et verra son synopsis écrit de nouveau par Anderson et Tony Giglio. Giglio travaillera donc le scénario, alors que le responsable des productions cinématographiques de Universal 1440 Entertainment, Patty Jackson, contactera l'acteur, réalisateur et producteur Don Michael Paul, avec qui elle avait déjà travaillé sur Half Past Dead, Tremors, parties 5 et 6, et Sniper, Ghost Shooter. Une fois que le réalisateur américain eut accepté le poste, ce dernier rencontra Giglio et les 2 hommes retravailleront alors le scénario ensemble. Au niveau de la distribution, alors que Danny Trejo sera de retour pour une 3e fois dans la franchise, son travail ne se résumant qu'à une seule journée de tournage, ce seront les nouveaux venus Zach McGowan, qui avait été aperçu dans les téléséries Shameless et Agent of S.H.I.E.L.D., Danny Glover, Christine Marzano, Cassie Clare, Yanis Chang et Lucy Erden qui compléteront l'équipe de la distribution. Se joindra à eux le comédien Velislav Pavlov, qui interprétera le nouveau personnage de Frankenstein, la voix de ce dernier étant alors fournie par l'acteur Nolan North. Bien sûr, Frederick Cooler fera également partie de la distribution, étant le seul acteur à avoir joué dans les 4 films de la franchise. Alors qu'Alexander Krumov s'occupera de la direction photo, il fut décidé que le film serait entièrement tourné à Sofia, en Bulgarie. Le tournage de plus de 32 jours débutera en septembre et se terminera vers la mi-octobre 2017. Paul W.S. Anderson, Jeremy Bolt et Mike Elliott seront de retour au poste de producteur, cette fois-ci aidé par le producteur Greg Holstein. De nouveau, ce sont les compagnies Universal 1440 Entertainment, Impact Pictures et Chestnut Ridge Production qui s'occuperont du financement. plus de 27 voitures seront construites pour le long métrage, incluant le Ford Mustang GT 2006 de Frankenstein, un GMC Topic 1990, un Volkswagen New Beetle de 1999, un Chevrolet Camaro 2010, une BMW 5, un Chrysler Sebring 2001, un Dodge Ram 1981, ainsi qu'un autre, cette fois-ci de 2007, un Ford E-Series de 2004, un Mini Cooper, un Peterbilt 379 et finalement une Toyota Celica de 2000. Durant la production, ce sera l'acteur Zach McGowan qui réalisera lui-même la grosse majorité des cascades, les combats dans le Death Pit, prenant plus de 2 nuits à tourner. Ce sera le compositeur allemand Frédéric Wildmann qui s'occupera de la musique instrumentale du film, ce dernier ayant travaillé avec le réalisateur sur les films Tremors 5 ainsi que Tremors 6. Brian Mencia et Melissa Reese s'occuperont, eux, du choix des différentes chansons utilisées pour le drame de science-fiction avec la supervision de Wildmann. Universal Studios Home Entertainment devait distribuer ce quatrième volet de la franchise directement sur le format vidéo en janvier 2018. Cependant, la date dut être reportée au 2 octobre 2018 afin d'apporter plusieurs modifications au produit final pour améliorer ce dernier. Malheureusement, le résultat final des ventes en format vidéo seront horribles, le film ne vendant qu'un maigre 850 000 $ sur le continent nord-américain, soit 410 000 $ en DVD et seulement 438 000 $ en Blu-ray, des résultats qui marqueront la fin de cette franchise pour les studios Universal. Malgré des critiques désastreuses, Death Race Beyond Anarchy remportera le prix des meilleures cascades pour un film de 2018 au International Motor Film Awards. Derrière ces deux franchises se trouve un homme, le réalisateur et producteur Roger William Corman, qui décédera dans son sommeil de causes naturelles à sa résidence de Santa Monica en Californie le 9 mai 2024 à l'âge de 98 ans. Surnommé le roi de la série B pour son œuvre prolifique dans le cinéma à petit budget, tout en étant le mentor d'innombrables cinéastes tels que Francis Ford Coppola, Ron Howard et Martin Scorsese, il sera le producteur exécutif de tous les films de la série remake Death Race. Corman avait, en 2018, été poursuivi en justice par ses deux fils pour la vente des droits de sa cinémathèque, affaire qui avait été réglée à l'amiable en février 2020. Lorsque la famille de Corman annoncera son décès sur son compte Instagram officiel, ses fils ne seront pas mentionnés, le message annonçant alors qu'il laissait dans le deuil son épouse Julie et ses filles Catherine et Mary, et qu'il était un père dévoué et altruiste, profondément aimé de ses deux filles. Du côté des points forts, eh bien, malgré une histoire assez simpliste, ce Death Race moderne se veut bourré d'action et va à un rythme effréné alors que les cascades spectaculaires se succèdent les unes après les autres. Joan Allen est intéressante ici en vilaine et vole tout simplement la vedette malgré ses apparitions rapides. Les séquences de course sont enlevantes, tout comme la musique rock, qui fait en sorte que ce film s'adresse véritablement à un auditoire masculin adolescent avec un contenu banal et facile à suivre. Mais du côté des points faibles, eh bien du côté réalisation, Anderson nous donne ici une mise en scène digne de films de série B avec une caméra fatigante qui passe son temps à bouger sans cesse et dont les zoom-in, zoom-out deviennent tout simplement agressants pour le spectateur qui désire regarder un produit tout de même de bonne qualité. Le scénario est simple, plombé de dialogues sans grande profondeur. Adieu l'humour et la morale sociale qui faisaient la singularité du film original, on s'intéresse ici beaucoup plus à la violence et au bruyant moteur des différents véhicules. Le montage est nerveux, tel un vidéoclip, ce qui nous donne un spectacle inachevé au niveau du visuel. Le spectateur, n'ayant pas le temps de voir l'action comme il faut, le réalisateur se servant de cette technique afin d'augmenter artificiellement le rythme de son long métrage. Au niveau de la distribution, cette dernière n'est pas extraordinaire, Statham jouant son rôle habituel sans grande personnalité. Le film manque de couleurs, faisant en sorte que même les véhicules n'ont plus la personnalité de leurs différents conducteurs, comme dans le film original. Pour les autres films, eh bien du côté de Death Race Part 2, ou La course à la mort 2, l'un des points forts du film est tout de même la qualité de la réalisation technique lorsqu'on sait que ce film a été fait pour être directement distribué pour le monde de la vidéo. Bien que l'intrigue soit traditionnelle, il est quand même plaisant d'assister à la création du Death Race et surtout celle de Frankenstein. La dernière demi-heure de ce film d'action est sans aucun doute la plus intéressante, grâce surtout à la multitude de clins d'œil au film original de 1975. Mais du côté des points faibles, eh bien, encore une fois, ici, le scénario demeure simpliste, tout comme la mise en scène qui fait par moments amateur, le réalisateur mettant en avant-plan une série de séquences en slow motion avec des images belles à regarder, mais sans grande importance au niveau de l'histoire de base. Les séquences de combat sont mal filmées par le réalisateur et le manque de cohésion au niveau du montage de ce long métrage n'aide certainement pas les choses. Même les séquences de course sont mal filmées ici, ce qui est supposé être la grosse attraction du film. Au niveau de la distribution, bien que Luc Gosse se tire bien d'affaire, on a un véritable gaspillage d'acteurs et d'actrices de grand talent, Trejo, Rams, Bean et Cohen, se contentant ici de donner une simple apparence sans trop se forcer, ce qui est quand même assez pour intéresser l'auditoire. Bien que certaines cascades sont encore une fois spectaculaires, il est triste que l'on ne prenne pas plus de temps de nous montrer la création du jeu Death Race et de ses règles, tout comme la création des différents véhicules. Encore une fois, ce Death Race se veut un film bruyant où le son des moteurs est par moments surpassé par une musique hard rock, le tout visant principalement un auditoire adolescent masculin. Du côté de Death Race Inferno, ou la course de la mort numéro 3, eh bien, bien que l'intrigue soit vraiment simpliste, l'histoire de cette troisième partie est beaucoup plus intéressante que le chapitre précédent. Tout comme le second volet, ce nouveau chapitre des aventures de Frankenstein est bourré d'action et se situe au même niveau que son prédécesseur au niveau de la qualité visuelle et technique. De plus, le concept de la course à travers le désert est un ajout fort apprécié ici qui saura plaire aux amateurs de la franchise. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario n'est prétexte qu'à une succession de bagarres et de courses-poursuites répétitives. Quant à la mise en scène, cette dernière est de nouveau artificielle et le montage au style vidéoclip est loin d'aider le produit ici, le spectateur étant tout simplement incapable de suivre la course de façon logique. Les séquences de course sont horribles par moments. On a l'impression que les voitures ne roulent pas plus qu'à 30 km/h et ce, malgré le montage qui coupe beaucoup trop rapidement les séquences, cherchant maladroitement à corriger les bévues du metteur en scène lors de la prise de vue. De plus, les scènes d'action sont aussi mal tournées que le film précédent. Quelque chose qui n'est pas expliqué, c'est la présence du coureur 14K. On peut comprendre Frankenstein, car il est l'attraction ici, mais pourquoi le coureur asiatique a également été transféré de la même prison que notre héros? Aucune explication n'est donnée, finalement, toute une gratuité. La distribution est très ordinaire ici, tout comme la facilité que prend le metteur en scène à nous montrer que certains pilotes ont de la facilité à atteindre leur cible avec l'armement installé sur leur véhicule, alors que d'autres ne le sont pas. Alors que la conclusion vire pratiquement en véritable film de guerre, ce troisième long métrage de cette nouvelle franchise est tout aussi bruyant que ses deux prédécesseurs, le Hard Rock et les bruits d'explosion et de moteur étant tout simplement agressants à la longue. Pour le quatrième volet, soit Death Race Beyond Anarchy ou Course à la mort Anarchie, ce quatrième film de la série Death Race change les règles du jeu ici avec un Frankenstein qui devient le méchant de l'histoire. Bien que l'histoire demeure assez simple, cette dernière est beaucoup plus intéressante que les deux films précédents au niveau de l'intrigue et est un mix entre Escape from New York et Mad Max. Bien que ce long métrage soit de nouveau réalisé avec un budget presque inexistant, le réalisateur nous donne ici un film de meilleure qualité visuelle et technique que les deux volets précédents. Danny Glover remplit son contrat et nous donne la meilleure performance du film. Le fait de faire ici une course de la mort sur une seule journée rehausse l'intérêt de celle-ci qui est brutale, même lorsque l'on se demande pourquoi les coureurs s'arrêtent en chemin pour éliminer leurs compétiteurs dont les véhicules sont tout simplement hors de combat. Du côté cascade, celles-ci sont spectaculaires encore une fois, alors que la violence et la nudité sont au rendez-vous pour les amateurs de ce genre de spectacle à un niveau beaucoup plus élevé que les précédents chapitres de la franchise. Mais du côté des points faibles, eh bien, la distribution est tout simplement ordinaire, principalement l'acteur principal qui est excellent dans les séquences d'action, mais dont le jeu est tout simplement ordinaire. Le scénario est simpliste, encore une fois ici, rien de nouveau, juste du déjà vu. Un fait triste, comme l'on assiste à une course rapide et sanglante, le réalisateur ne perd pas son temps à nous présenter les différents personnages de la course et la dualité entre chacun d'entre eux, et ce malgré que l'on voit ces derniers tout au long du long métrage. Cela fait en sorte que leur mort ne nous touche point et est, somme toute, totalement gratuite. Pour les amateurs des films précédents, juste vous avertir que ce nouveau film est beaucoup plus graphique que les trois autres, tant au niveau de la violence que de la nudité, et surtout de la vulgarité visuelle envers les femmes qui ne servent ici qu'à être l'objet de plaisir des prédateurs masculins. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Death Race 2005. J'y vais également avec une cote 5. Du côté du film Death Race 2050, eh bien, Mediafilm a coté le film 7. J'y vais également avec un 7. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film Death Race 13 ans indicatif. J'y vais également pour une cote 14 ans pour de la violence, un langage vulgaire et quelques scènes de nudité. Alors que du côté de Death Race 2050, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif, j'y vais également avec une cote 14 ans, avec une violence très graphique, un langage très vulgaire et beaucoup plus de nudité. Du côté de la franchise Death Race, disons que Mediafilm a coté le premier film de la série 6, moi j'y vais avec un 5. Du côté de Death Race numéro 2, Mediafilm a coté le film 5. Lui, j'y vais avec une cote 6. Je trouve que visuellement, on a manqué le bateau sur ce film-là. Du côté de Death Race, troisième partie, le film est coté 6 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 6. Et du côté de Death Race Beyond Anarchy, eh bien, il n'y a aucune cote du côté de Mediafilm. Moi, j'y vais avec une cote 5, un film qui est une coche au-dessus des deux précédents volets. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film Death Race 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté de Death Race numéro 2, la régie du cinéma cote encore une fois le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et également un langage vulgaire. Pour le troisième volet de Death Race, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans, avec bien sûr des scènes de violence, un langage vulgaire et quelques scènes de nudité. Et finalement, pour Death Race Beyond Anarchy, au niveau de la régie du cinéma, il n'y a pas vraiment de cote. Ma cote à moi, c'est 18 ans pour une violence très graphique, de la nudité très graphique et un langage vulgaire. Au niveau de la disponibilité des films sur format DVD et Blu-ray, eh bien, le film Death Race 2000 ou La course à la mort de l'an 2000 existe en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray, tout comme le film La course à la mort de l'an 2050 ou Death Race 2050 qui existe également dans les deux langues en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Pour la franchise Death Race, eh bien, le premier film est disponible en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray, tout comme le deuxième film, qui lui également est disponible en DVD et en Blu-ray dans sa version non censurée, toujours en français et en anglais. Du côté de Death Race 3 Inferno, celui-ci est disponible en DVD, en Blu-ray et en format ultraviolet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de version française de ce film. Et il y a également Death Race Beyond Anarchy, qui est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller chercher pour votre bibliothèque de DVD. Se rajoute à cela, si vous avez un intérêt à la franchise de Death Race, il existe en DVD un coffret qui inclut les 4 films de la franchise de Death Race. Donc vous avez le 1 à 4. Dans ce coffret, il y a les 4 films qui sont en version française et anglaise. Donc le coffret Death Race 4 Movie Collection qui est disponible sur le marché seulement en DVD.

Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.